Yeah. Brasco, la voix du sous-sol. Écoute, ça va rapper sec maintenant. Et alors? Je connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. Je connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. T'imagines, je chante et je rappais alors, c'est mon identité. À ne pas confondre avec un Econ ou un T-Pain. Laissez-moi faire mon jazz, laissez-moi faire mon bis. Je fais du rap de test, fournis la marchandise. À coup de diapason dans mon délire, c'est moi le patron. J'suis pas un gangster, j'suis juste un vagabond. De partout et de nulle part. Du 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-5, 7-8, ainsi de suite. Marseille c'est la famille, le 9-7-1 c'est mon district. Tester le petit c'est perdre sa vie. La rue m'a élu pour être le maire de ta ville. À force de couper des têtes, j'suis devenu mon pire ennemi. Sans maîtrise la puissance n'est rien, demande à Pirelli. Quand j'suis pas là, les MC croient tout permis. Mon histoire commence là où la leur se termine. J'connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. J'connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. T'as quelque chose contre mon style, mes locks et mes petits baguilles. Frollo, j't'emmerde, je vis ma vie. Même si je m'habille, chez qui habille. Qui a dit qu'il fallait braquer pour avoir le flow de B.I.G. Dans mon quartier, y'a des Montana, Tony, mais aussi des Vivaldi. On est tous fascinés par ces gangsters raffinés. Perdus dans la masse, la mauvaise herbe est dure à déraciner. Lol, trop de putains veulent m'embrouiller l'esprit. Brasco, fais ci, fais ça, tu seras crédible si tu prends 16 biches. Faux caïd, ferme ta gueule, qu'est-ce qui te passe par la tête? Vite, vite, rase les murs avant que je t'attrape par la crête. Pourquoi m'inventer des vies, j'en ai qu'une. Elle a des lacunes dans ma bulle en ébullition. J'ai la plume du stylo à tube. Je veux pas que mes textes attirent que les gendarmes à cause de ce rap de piatch qui boit du champagne. Timal, dans ma mifa y'a pas de mafia. Les vrais le savent, sois un bonhomme avant d'être un malfrat. Je connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. Je connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. Je connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors. Je connais pas la prison, mais je rappais alors. Faut braquer soi-disant, moi je rappais alors. Pas besoin de faire le rude boy pour qu'on me respecte alors. Frollo, je viens de la thèse pour te faire un rappel alors.